tu dois regarder. Oh, qu'il est beau. Regarde les ronds. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. Bande de petits voyous, vous allez me le payer cher.